Sorti en pleine saison des blockbusters de l'été 2009, District 9 fut une bonne surprise avec un succès critique et financier. L'auteur-réalisateur sud-africain Neil Blomkamp a vu sa carrière décoller grâce à ce film, inspiré par l'un de ses précédents courts-métrages, Live in Joburg. Et la raison de ce succès n'est pas due au hasard. Ce n'est pas juste un blockbuster de science-fiction avec des booms dans tous les coins, mais bien une œuvre possédant des idées profondes et des thématiques qui touchent de près notre nature humaine. Pour rappel, voici le synopsis du film. Des extraterrestres réfugiés sur Terre depuis 20 ans deviennent un problème international explosif. Parqués dans le District 9, leur destin est entre les mains d'une multinationale, le MNU, qui s'intéresse à leur extraordinaire armement qui ne fonctionne qu'avec leur ADN extraterrestre. Wicus, un agent de terrain du MNU, inhale une mystérieuse substance qui se met à modifier son ADN. Cet homme, qui permettrait de déchiffrer la technologie alien, devient l'individu le plus recherché. Repoussé, isolé, sans aide ni amis, il ne lui reste qu'un seul endroit où se cacher, le District 9. La première chose à noter sur ce film, c'est l'originalité du traitement d'un sujet de science-fiction massivement utilisé, la rencontre avec une civilisation extraterrestre. Ils ne sont pas sur Terre pour nous détruire comme dans Independence Day, ils ne viennent pas nous punir comme dans Le jour où la Terre s'arrêta, ils ne sont pas là pour nous aider comme dans Rencontre du troisième type, ou pour construire une déviation d'autoroute hyperspatiale comme dans H2G2. Non, ils sont juste à court de carburant et trouvent refuge sur Terre. Et comment les accueille-t-on? En les mettant dans un camp. Alors évidemment, pour tous ceux qui ont bien suivi leur cours d'histoire à l'école, il y a dans ce film une allusion au passé récent de l'Afrique du Sud et l'apartheid. Mais au-delà de cette évidence, on trouve une parabole sur la capacité qu'a l'humanité à faire preuve d'inhumanité. À travers des euphémismes dénigrants, nous déshumanisons ceux qui sont différents. Une personne noire devient un nègre, un homosexuel devient une tapette ou une tarlouse. Dans l'Allemagne nazie, un juif était appelé un rat. En faisant ça, on les fait devenir quelque chose d'autre que des êtres humains. Et donc, on ressent une plus grande liberté à les traiter de façon inhumaine. Donc forcément, les aliens dans District 9 deviennent des crevettes. Logique. Ce film est une belle démonstration de la facilité que l'on a de mettre l'autre à une distance suffisante pour ne voir que l'extérieur. Et ne surtout pas ressentir d'empathie. Les aliens sont comme de gros insectes dégoûtants qui mangent dans les ordures. Ils ne peuvent pas avoir de sentiments, n'est-ce pas? C'est donc plus facile de les considérer comme des objets que comme nos semblables. Les crevettes sont donc les opprimés dans ce scénario et nous sommes les oppresseurs. Une idée qui tranche par rapport à d'autres œuvres où l'ennemi vient de l'espace et nous sommes les gentils. Enfin, les Américains sont les gentils. L'inhumanité se cache dans un autre recoin de ce film avec la place que le progrès et la technologie occupent. Clairement, les aliens ne nous intéressent pas scientifiquement. À vrai dire, il est presque choquant de ne pas trouver la moindre étude scientifique à un moment donné de l'histoire. Si une race extraterrestre débarquait, je pense qu'il y aurait une cohorte d'astrobiologistes, physiciens, neurologues, sociologues et autres qui voudraient un ticket pour étudier les visiteurs et leur mode de vie. Je veux dire, ce serait quand même le plus gros événement de l'histoire de l'humanité. Mais dans District 9, une seule chose semble nous intéresser, leur armement. Cette recherche technologique prend la priorité sur les valeurs humaines. Et malheureusement, c'est une tendance qui a été observée dans notre propre histoire. Des spécimens sont étudiés, disséqués pour réussir à débloquer l'accès à leur armement. Et même lorsque le héros, qui est humain, découvre qu'il peut utiliser la technologie basée sur l'ADN alien, il devient alors le centre de toutes les recherches. Sans même s'assurer de sa santé, son bien-être ou tout simplement son consentement. Il devient en gros un rat de laboratoire. Au nom de quoi? Du progrès technologique. Et enfin, pour continuer avec Wicus, le personnage principal de District 9, regardons son parcours. Un arc narratif très intéressant, puisqu'il devient ce qu'il dénigrait au début en se métamorphosant en crevette. Mais le plus troublant, c'est qu'il va en prendre plein la gueule. Il se retrouve battu, laissé pour mort, torturé, tout ça, par qui? Sa propre espèce. Mais par-dessus tout, il est ignoré et abandonné par les personnes qui auraient pu et auraient dû prendre soin de lui. Au lieu de ça, il se retrouve aidé par ceux qui sont considérés comme des moins que rien, les plus répugnants des crevettes. Et une de ces crevettes va même finir par se soucier du sort de cet humain. Ce même humain qui le traitait comme un vulgaire cafard, quelques minutes plus tôt dans le film. Il va carrément se lier d'amitié avec lui, en lui promettant qu'il reviendra l'aider. District 9 fait preuve d'une efficacité redoutable à nous révéler notre propre nature. Les valeurs humaines que l'on considère si précieuses comme la compassion, le respect, ou encore la solidarité, sont distribuées à l'envahisseur. Ce qui est troublant à travers ce film, c'est que les êtres ayant le plus d'humanité sont finalement les extraterrestres.